qu'à s'envoler. Elle aimait les fleurs, les bourgeons et les ailes d'avion. Et les ailes d'avion. Camille était une chenille, tellement douce, tellement gentille. Elle rêvait de faire de grands voyages vers de nouveaux paysages. Elle aimait les fleurs, les bourgeons et les ailes. Camille était une chenille, tellement douce, tellement gentille, recouverte de soie dans son petit lit. Camille s'endormit, elle aimait les fleurs, les bourgeons et les ailes. Camille était une chenille, tellement douce, tellement gentille. Un jour, elle a rejoint ses amis. C'était comme de la magie. Elle chatouille les fleurs, frôle les bourgeons. Elle vole comme un avion. Camille est un peu...